Voilà, et puis je terminerai sur autre chose que le réchauffement des eaux. On a vu que la biodiversité évoluait, qu'on avait des changements de la répartition des espèces, que les espèces remontaient, fuyaient les eaux trop chaudes pour trouver des nouveaux habitats vers le nord. Mais vous voyez ici un poisson avec un petit hameçon. En fait, ça pour dire que la biodiversité évolue, elle est modifiée, mais pas seulement par le problème du réchauffement climatique. Elle est modifiée aussi par l'ensemble des activités anthropiques. Et il a été notamment analysé en 2005 dans le cadre de ce qu'on a appelé le Millennium Ecosystem Assessment, qui était une réunion des spécialistes de la biodiversité pour l'ensemble des écosystèmes, que ce soit marins, terrestres, etc., pour tenter d'évaluer quels étaient les grands facteurs d'impact d'évolution, d'érosion et de diminution de la biodiversité, et de dire un petit peu quelles seraient les tendances à venir de l'importance relative de ces différents facteurs d'impact. Et donc j'ai ici ressorti simplement les écosystèmes côtiers et marins et les grands facteurs. Donc évidemment, on retrouve le changement climatique, mais on trouve aussi les changements des habitats, les espèces invasives, la surexploitation des écosystèmes et la pollution. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que les facteurs d'impact les plus importants actuellement sont ceux qui sont en rouge. Donc, ce sont les changements des habitats, la surexploitation, donc la surpêche à l'échelle mondiale en moyenne, et la pollution des écosystèmes. Par contre, les flèches indiquent est-ce que ces facteurs vont avoir un impact qui augmente, qui stagne ou qui diminue. Et on voit bien que le changement climatique, les flèches sont vers le haut, c'est-à-dire que ces facteurs-là vont avoir une importance prépondérante à l'avenir dans le changement de la biodiversité. Et finalement, donc actuellement, on peut mesurer des changements de la biodiversité, mais ça reste encore difficile de démêler les causes réelles de ces changements entre ce qui est dû à l'exploitation par la pêche pour l'écosystème marin, par exemple, ce qui est dû au changement des habitats côtiers par l'aménagement, habitats côtiers où les espèces viennent se reproduire, où les jeunes viennent grandir avant de retourner vers le large, ce qui est dû à la pollution qui modifie la qualité des habitats et qui parfois a des effets sur la capacité de reproduction des espèces, et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie, c'est terminé.